Notre pop and rock vient de commencer avec les presque 6 minutes 30 de Hablant tiré du troisième choix, album sublime de Agora Fidelio, pour ouvrir votre 274e, 274 numéro de votre pop and rock. 274 et toujours des trucs à partager avec vous. 274e opus, encore une fois, sans aucune seconde de pub, franchement, pourquoi aller chercher ailleurs ? Âge. Des histoires, des mélodies fortes, une voix parlée, chantée, des titres aussi longs que les plus longs fleuves de l'Europe centrale, Agora Fidelio accompagne depuis des années Pop'n Rock. Ils ont disparu, mais Pop'n Rock les fait renaître sans hésitation. Tu sais, des fois, j'aimerais être autre chose que moi. Autre chose qu'un homme perdu sur une route, sans marquage au sol, sans rien qui ne détourne de son but en somme. Les morceaux sont là, comme des pièces de soie, étendues sur la voie, comme notre icône, déchue de ses croyances, tombée d'une tour immense où la gravité n'existait même plus comme loi. Tu sais, des fois, j'aimerais être ce à quoi je rêvais. L'être en or, celui qui mène la bataille, celui qui sait où vont les âmes, celui qui vise la pomme et pas la tête, qui vise les hommes et pas les femmes. L'être qui tient toujours la barre, même en tourment dans la tempête, qui ne plie pas, qui ne rompt pas. J'aimerais pouvoir dire que cet être, c'est moi. Être calme, être bien, une fois, je le serai peut-être, je le jure, je le veux. Quand je vois ce qui passe aujourd'hui dans nos radios dites périphériques, je me demande comment les bien-pensants ont pu laisser et oublier Agora Fidelio s'éteindre. Bon, c'est pas grave, j'espère tout simplement qu'ils ne laisseront pas s'échapper le duo noir du rock français, Clinique Rodéo. Thank you. mardis entre 17h et 18h au 104.6 de votre radio préférée, RVR, dites Val-de-Rhin. Non, Radio Val-de-Rhin, dites RVR, Jean-François, on s'en fiche. Ce soir, on écoute la radio et on écoute les fonds de tiroir de notre programmateur. It's a mess, picturesque. When I hate, don't cut it through the mess. Editors avec Picturesque, titre soigneusement rangé dans mes réserves numériques et musicales. Ouais, j'ai en réserve, comme vous le disait la voix off tout à l'heure, quelques pépites que ce soir je vous offre avec un vrai plaisir. C'était Cool Eye Shaker et son Waves, vous savez, ce genre de titre que vous écoutez pour la première fois en vous disant « Mais ça me dit quelque chose, je connais déjà. Oh, pas sûr. » Vrai talent ou simple plagiat ? Ce soir, on s'en fout, on profite. Nair, encore un cadavre exquis du rock français, mais ce soir, on va surfer plus loin. Surfer notamment sur les 7 minutes 27 qui arrivent. Profitez. Fornication. Here we go. vous avez aimé ce live des Red Hot Chili Peppers, on va y rester, en tout cas pas avec les Red Hot, mais avec les copains de Anton Newcombe, non, pas les Liminianas, mais plutôt les Dandy Warhols, qui nous offrent ce soir en concert une belle reprise. Et le plus drôle, c'est que dans ma bibliothèque musicale, quand je vais y fouiller, je trouve des trucs que je ne connais même pas, en tout cas, dont je ne me souviens pas l'origine. C'est le cas tout de suite de The Shadows Gone. Vous connaissez peut-être, moi pas du tout. En tout cas, on va découvrir ou redécouvrir ensemble. Les titres et les noms des artistes que nous programmons ce soir et que nous avons programmés les semaines passées. Rendez-vous sur la page Facebook de Pop & Rock sur RVR. The more you care, the more you dare, more you go inside my head. See the way the trials and fall in the ocean, I won't let you fall. More you care, the more you dare, more you go inside my head. See the way the trials and fall in the ocean, I won't let you fall. More you care, the more you dare, more you go inside my head. See the way the trials and fall in the ocean, I won't let you fall again. Kingwise, c'est pas comme dans le cochon, tout n'y est pas bon, mais bon sang, que ce Ocean est planant, mais pas aussi planant que les intros jouées par John Frusciante. Ça vous parle? Non? Tant pis. Sur ce, bon vent à tous. Let's make love. Now boy. It's your chance to dance. teach you this life is more than just a read-through.